5.5 à 10.5 contre l'Ontario lors de la dernière journée de compétition. Pierre-Alexandre Bédard, du côté du Québec, a battu Luca Kim dans son match de golf. Et au soccer, des matchs qui nous intéressaient hier, il n'y en avait qu'un au programme, et c'est un match de senior masculin division 1. L'FC du Lac et le Chinook de Chicoutimi se sont livrés un verdict nul de 0 à 0. J'invite à écouter la section entrevue de danradiosport.com. Hier, on a parlé d'abord avec plusieurs intervenants. Tom Lapointe se rappelle du scoop concernant Wayne Gretzky. Il y a 30 ans, hier, Wayne Gretzky était changé aux Kings de Los Angeles. Donc, on en a parlé avec Tom Lapointe. Michel Lallemand vient nous parler de la chronique du club de golf de Chibougamau. Et vous pouvez également écouter le maire de Desbiens, Nicolas Larouche, et les préparations en vue du championnat du monde de pétanque qui aura lieu dans 5 semaines. Le sport local et régional à danradiosport.com.